Le club. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous ceux qui découvrent ce pilote de podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Oui, c'est un peu long. Où que vous soyez, on espère que vous êtes bien installés, que vous allez passer un bon moment en notre compagnie, que vous soyez au volant, dans la cuisine ou autre, que vous avez un petit calepin pour prendre des notes, sauf si vous êtes au volant, bien évidemment. Je suis aujourd'hui accompagné de trois de mes collègues que je vais vous présenter pour parler culture. On va partager avec vous nos dernières découvertes, nos derniers coups de cœur en cinéma, BD, littérature et autres. On se ferme vraiment aucune porte. L'idée, c'est d'être à la cool, de vous partager tout ça. Et on espère que ça va vous plaire. Pour discuter, là, je pense, pendant une heure environ, je suis accompagné d'Hélène. Comment vas-tu, Hélène ? Salut, ben impeccable, contente d'être là. Ouais, ça fait plaisir. Peut-être première fois pour toi, un exercice de podcast ou... Ouais, mais effectivement, j'en écoute pas mal, donc du coup, je suis curieuse de découvrir comment ça marche. Ok, nickel. Samuel, qui est avec nous aussi. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien aussi. Ouais, première aussi, première fois ? Deuxième podcast. Ok, donc t'as déjà eu l'occasion d'en faire... Oui, c'est totalement impromptu, mais oui, deuxième, on va voir, c'était totalement différent. Okay. Pas les mêmes sujets, mais c'est chouette de faire ça avec les collègues. Nickel. Et la troisième personne avec nous, Coralie. Oui, bonjour tout le monde. Ça va ? Ça va. Grande Nickel. Première aussi. Bon, je vois que t'as pas mal de notes avec toi. Ah ouais, moi j'ai pris des notes, j'ai besoin de, de me rassurer, on va dire. D'avoir un petit support d'avoir visuel. D'avoir un petit support, ouais, c'est des petites notes. Bah ouais, comme tu disais, on va présenter des choses, donc au moins le titre, l'auteur, voilà, des petits pense-bêtes en fait. C'est clair. Là, c'est une première, donc on n'a même pas trouvé de nom à notre podcast pour le moment. C'est vraiment un pilote. Si ça vous plaît et si ça nous plaît surtout, je pense, on essaiera peut-être de transformer ça en rendez-vous mensuel dans lequel différents bibliothécaires auront l'occasion de passer pour nous partager leurs découvertes. Et voilà. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Vous avez toutes préparé pas mal de choses. Ouais, on est sérieuses, on est des idées studieuses. Coralie, est-ce que tu veux commencer ? Allez, bah allez, lançons-nous. Allez, vas-y. Non, bah écoute, on en parlait un petit peu hors champ là tout à l'heure de pas mal de bandes dessinées qu'on a lues toutes les trois. Je sais pas si toi tu les as lues. En fait, moi c'est ça. Je voulais vous présenter trois BD qui parlent en fait de filles un peu badass quoi, qui se lancent dans la vie, qui se lancent dans les aventures. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, je pense, avec MeToo, etc. Ouais. Voilà, des BD d'aventure en fait qui sont faites par des filles quoi, c'est des filles un peu qui se lancent dans l'aventure qui c'était beaucoup par des garçons jusqu'à présent. Oui, c'est ça, les personnages principaux sont des femmes et du coup c'est plus facile de s'identifier parfois voilà. Quand on est plus jeune ou même, mais ouais. En fait ça fait plaisir aussi mais qui s'adresse pas qu'aux femmes. Non, ça, pas du tout. Et à tous. Et écrites par des hommes aussi qui en plus, qui ouais. Sont chouettes. Ouais. Là effectivement, c'est trois BD sur des filles écrites par des hommes. Et en fait, je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc il y a Géante, ouais. Histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté. Avec un titre voilà, tout à fait titre, court. Voilà le titre Géant aussi. Et c'est ça vaut avec la taille qui est assez imposante cette BD aussi. Ouais, c'est une grosse BD. C'est une grosse BD avec des super dessins moyenâgeux tout ça. Moi, c'est un voilà, je kiffe. De toute façon, les trois BD se passent. Dans une contrée moyenâgeuse, un peu. Okay. Dans l'édition, là, il y a pas mal d'histoires ouais, un peu inspirées de contes, inspirées de légendes et du Moyen-Âge. Ouais. Tout à fait, ouais. C'est un peu Bilbo en fille, quoi. C'est un peu, stylé. Voilà, c'est le ça. Format est différent, du coup, puisque c'est une géante. C'est carrément. C'est et donc, c'est de Jean-Christophe Devenet. Ça a été publié en 2020. Et donc, voilà, c'est une géante, en fait. Elle est retrouvée gamine, en fait, dans une montagne par un monsieur. Donc, il la ramène dans sa famille. Elle est élevée avec cinq garçons. Ouais. Et donc, elle est élevée dans cette famille. Ça se passe super bien. C'est très bucolique, c'est vrai, au début et tout ça. Et puis, les garçons, ils ont le droit de faire des choses. Elle n'a pas le droit. OK. Voilà, donc il y a déjà ça. Le premier, il s'en va faire la guerre. Le deuxième, il s'en va partir en mer, je crois. Enfin bref, ils ont chacun. Il y en a un qui reste à faire la femme. Mais elle, c'est une fille, elle n'a pas le droit de faire tout ça. Il y a presque un petit côté Mulan, dans le sens où tout le monde a le droit de partir, ouais. sauf elle qui se retrouve voilà. bloquée. Elle, comme c'est une fille, bah, en fait, en gros, elle devra se marier et faire des enfants et vivre dans la ferme. Quoi. Donc, voilà. Alors qu'en plus, vu que c'est une géante, elle a des super capacités qu'elle ne peut pas exploiter. Quoi. Ok. Et donc, en fait, elle, y a une, à la faveur d'un événement, en fait, elle part. En fait, voilà. Et donc, elle va se retrouver confrontée à plein de péripéties où son côté de femme et aussi de géante va poser problème, quoi. Et donc, c'est tout, voilà, c'est peut-être presque un rite initiatique, en fait. Et elle va rencontrer plein de gens, elle va rencontrer plein de situations. Et il y a un moment donné où elle rencontre un groupe de femmes, en fait, qui vit en autonomie et tout ça. Et là, c'est vraiment pour les adolescentes, pour s'ouvrir à la vie et tout ça. Mmh. C'est vraiment très intéressant comme propos. Il y a vraiment des phrases qui sont percutantes et très dans l'air du temps. Mmh. Et donc, je trouve que vraiment, pour un petit roman, BD initiatique pour ados... Du coup, c'est bien écrit. Ouais, c'est vraiment bien écrit. Il y a un propos féminin et féministe vraiment très important et très bien fait aussi. Donc, même les garçons, même peut-être surtout les garçons et les filles, je veux dire, c'est pas genré. C'est vraiment très intéressant, quoi. Génial. J'ai l'impression que tu l'as lu aussi, du coup. Ouais, je l'ai lu aussi. Et effectivement, par rapport à d'autres qui sont peut-être plus pour un public adulte, celle-ci, elle peut commencer à être lire quand on est ado. Mmh. Alors, elle est assez dense. C'est une BD où il faut prendre son temps pour la lire. On ne la lit pas en une demi-heure. Mais justement, on peut. Après, c'est des chapitres avec des mini-aventures à l'intérieur. Mmh. Donc, on peut tout à fait la lire en plusieurs fois et couper. Mais ça... Et le dessin, en plus, est vraiment bien fait. C'est un dessin réaliste. C'est un grand format, ouais. Ok, ça donne envie. Dans un univers médiéval de contes, ouais, comme tu disais, Hélène, c'est vraiment bien fait. Et alors, du coup, dans le même style, je pense que beaucoup en ont entendu parler. Podom, Hélène l'a ramené d'ailleurs. Ouais, sa BD en plus. Podom, moi, j'avais envie de le lire, mais. Et alors, il a eu plusieurs prix. J'avais noté. Ouais. Il a entre autres le prix le prix Landerneau BD. Ouais. Et il a eu le Fauve des lycéens à Angoulême en début d'année. Alors, c'est une BD de Hubert. Et Hubert qui est décédé l'année dernière, malheureusement. Et moi, je suis fan de Hubert. Oui. C'est vraiment un artiste génialissime. Du coup, ça m'a permis, moi, de relire des choses que je n'avais pas lues de lui. Et c'est vrai qu'il a toute une ligne dans ses BD qu'il a fait. Série Les Ogres Dieux, là, qui est juste magnifique. Moi, c'est dans ma liste pour mon anniversaire. Et j'ai vu que la BD est classée meilleure BD de l'année 2020 sur pas mal de sites. Elle a été hyper conseillée. Enfin, c'était vraiment un coup de cœur par tous les professionnels. Et la couverture fait trop envie. C'est aussi toutes les PD qu'on présente, c'est vraiment des beaux objets en soi aussi. C'est des livres qu'on a envie d'offrir ou d'avoir. Et c'est, même sans être connaisseur, on sent qu'il y a un super travail dans l'illustration, les couleurs. On sent que c'est des BD où ils ont pris du temps pour les faire. Quoi. Alors, je ne me suis pas trop renseigné dessus. Je ne connais pas le pitch, etc. Mais à la couverture, ça me donne l'impression que ça se passe dans un univers un peu antique. Alors, Est-ce que je me trompe, ça se passe dans l'Italie de la Renaissance. Ok. Donc, la jeune fille, donc j'ai oublié le nom, malheureuse que je suis. Chez moi, une mie. Éloi, au lieu de crâner, tu peux me le dire. Je ne sais pas si je ne l'ai pas lu encore. C'est dans ma pile à lire infinie. Donc, peut-être qu'un jour, je. Et en fait, coup, elle doit se marier. Et dans sa famille, en fait, il y a un objet, c'est une peau d'homme, en fait. Et quand tu la revais, en fait, tu deviens un homme. Ok, trop bien. Et c'est sa tante, en fait, qui lui propose de revêtir cette peau d'homme pour apprendre à connaître son mari. Parce qu'en fait, à l'époque, on se marie avec des gens qu'on ne connaît pas. En plus, elle fait partie de la petite aristocratie locale. Donc, elle va revêtir cette peau d'homme, elle va faire la connaissance de son futur mari. Il y a plein de péripéties. Et là, c'est pareil, c'est du féminisme aussi. Elle est confrontée en fait à la différence quand elle est femme de ce qu'elle peut faire, ne pas faire, et quand elle est homme, ce qu'elle a le droit de faire et pas faire. Et là, je trouve que du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment les deux points de vue. Ouais. Et elle est aussi, elle est jeune en fait, donc c'est aussi une adolescente qui s'éveille à la vie, qui s'éveille au monde qui l'entoure. Et c'est hyper intéressant. En plus, elle a un frère, mais alors pas piquer des hannetons. Voilà, j'allais dire, au-delà du côté féministe, il y a aussi le côté puritanisme qui est mis en cause. Parce que elle, pour le coup, elle vit moins d'aventures, elle ne quitte pas beaucoup sa ville, mais on va voir toute la vie de la communauté. Et elle qui va commencer à se poser des questions, et on va voir que ce n'est pas la seule dans la ville. Et que, du coup, donc, effectivement, son frère qui est plutôt un religieux, qui a de l'aura, qui sait discourir, et il va imposer son point de vue, alors que finalement, il y a toute une communauté qui subit, et grâce à elle, ils vont réussir à se rebeller. Il y a quelque chose qui m'interroge un peu, c'est le fait que ça se passe à une autre époque. Est-ce que, même si aujourd'hui, ça fait clairement partie des grands sujets de discussion, etc., est-ce que le récit fait encore vraiment écho à ce qui se passe? Carrément, parce qu'il y a le côté, effectivement, de genre. Ouais. Il y a le côté religieux aussi. Donc, ça fait... Ça aurait pu se passer dans une cité. Donc on n'a pas l'impression que c'est des problématiques qui sont trop datées. Il y a un côté un peu hypocrisie, ça peut même faire penser aux Américains qui ont un côté très religieux, il faut être sage, et alors que en même temps aux États-Unis, il y a aussi toute une communauté, il y a aussi ils sont hyper binaires, et du coup, c'est un peu ça sur l'image publique qu'on doit avoir, et puis en fait l'hypocrisie, je pense que c'est un mot qui est pas mal sur Et elle, justement, quand elle va découvrir le monde caché auquel elle a accès en tant qu'homme, elle va découvrir tout ça. Elle va dire, mais en fait, ça se sait, tout se passe, mais on tait, on cache. Et encore aujourd'hui, de toute façon, il y a des filles qui ne peuvent pas faire des choses parce que leur famille, ça ne se fait pas et tout ça. Et là, du coup, ça... Et donc, je pense que c'est clairement d'actualité, quoi. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a eu pas mal de prix, c'est que... Ça a touché, je vois par exemple, comme je disais tout à l'heure, le prix des lycées à Angoulême. Je pense que ça les a touchés, les gamins. Et ça fait résonance à ce qu'ils vivent actuellement. Quoi. En fait, c'était quasi un peu une fausse question, parce que je me doutais Le petit filou. En le faisant en 2020, ils auraient fait en sorte. Et en fait, c'est. Alors, même s'il y a des choses qui ont changé, c'est des thèmes qui sont encore importants. Carrément. Tu vois, justement, le fait que ce soit dans le passé et une région qui n'est pas non plus hyper identifiée, ça fait que justement, on s'identifie plus facilement, plus large, et on pourrait transposer ça dans les pays arabes, aux États-Unis. Enfin, on peut imaginer plein de... France, ça peut faire penser à plein de situations. Une fois de plus, ça donne trop envie. Ah ouais, il est vraiment... Hubert, il y a toujours une sensibilité, je trouve, dans ce qu'il écrit. Enfin... C'est toujours beau, même après, s'il y a diverses choses. Il y a un côté sensuel aussi, et c'est un travail qu'il a mené au niveau de... Moi, vraiment, c'est la couverture qui me tape dans l'œil. Encore une fois, un bel objet. C'est efficace, En termes de couverture, super jolie. Ouais, les ogres dieux dont tu parlais tout à l'heure, c'est magnifique aussi. Et, j'ai lu le top 4 récemment, qui finit du coup la... La première année, en fait, en plus, c'est sur une femme. Ça. Et ça conclut bien, pour les avoir relus, du coup, les quatre à la suite, ça conclut bien. Et en fait, parfois, quand on les lisait un par un, on ne comprenait pas forcément où ça allait. Mm. Mais là, en reprenant tout, tout est cohérent, ça se finit bien. Et là, bien, entre guillemets, on va dire que ça finit bien la série, parce que sinon, finit pas forcément Moi, je l'ai vu passer, mais ça ne m'a pas attirée. Il y a un côté quand même assez austère, pour le coup, elle est en noir et blanc, je crois. C'est noir et blanc. Et du coup, moi, je n'ai pas voulu la lire. Après, c'est une BD aussi qui peut paraître ardue, parce qu'il y a des gros passages littéraires, qui sont écrits. Donc, c'est vrai que ça peut paraître Moins abordable. Mais elle est vraiment... Enfin, le thème, en fait, les ogres dieux, c'est des géants, en fait, qui règnent sur... alors, c'est pareil, ça se passe un peu dans un temps moyenâgeux, qui règnent, en fait, sur tout un monde. Et en fait, il y a un géant, mais petit. Alors, il serait géant pour nous. Il est petit pour les géants. Et donc, ça commence comme ça. Le premier tome s'appelle Petit. Et en fait, il va remettre en question beaucoup de choses. Et c'est vraiment... En fait, c'est aussi tout le monde des géants. Ouais. Ils ont voulu être de plus en plus grands pour mieux régner, etc. Sauf qu'il y a eu beaucoup de consanguinité. Et du coup, au fur et à mesure, toute la lignée... Ça dépérit, ça dépérit. Au début, c'est ça, petit. Mm. L'idée, c'est de refaire partir, même s'il est beaucoup plus petit que les autres, c'est de faire repartir la lignée sur quelque chose de mieux. Repartir sur de bonnes bases. C'est ça. Et du coup, c'est là, tu verras la fin, vous verrez la fin. Aussi. Et ça se finit de manière très belle. Et comme tu disais, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un côté un peu conte. Ouais. Vous avez un chapitre, par exemple, en bande dessinée, et vous allez avoir, comme tu disais, une partie un peu plus conte qui fait écho à ce qui s'est passé avant. Donc ça va être parfois des récits d'ancêtres, ce genre de choses. Ouais. Et c'est très bien articulé. Et voilà, c'est vraiment un coup de cœur aussi pour le coup, cette bande dessinée. Et moi, de Hubert, je retiens Beauté, qui est une série, du coup, en trois tomes. Et un peu dans le même sujet. Et donc là, pareil, encore une époque moyenâgeuse. Je pense que ça doit être facile pour eux de laisser libre cours à leur imagination. Ouais. Et là, on a une jeune fille qui est la patte, qui est laide, en fait. Qui est moche. Boche, oui, faut dire le mot. Et qui, du coup, est regardée par personne, n'a aucun accès. Et tout d'un coup, elle va, du coup, souhaiter devenir belle. Et c'est ce qui va arriver. Et alors là, du coup, ça devient la fille que tout le monde désire, tout le monde convoite. Et c'est très intéressant de voir le changement de regard. Et du coup, il va y avoir, du coup, pour le coup, plusieurs hommes qui vont tout faire pour la séduire et du coup, se marier avec elle. Et c'est vraiment intéressant de voir dans notre société. C'est pareil, on peut transposer. Et l'attrait que peut avoir la beauté, alors qu'au final, cette fille, elle reste la même. C'est une fille du peuple toute simple. Mais tout d'un coup, le fait d'être belle, ça va lui ouvrir des portes. Elle sent plus le poisson. Voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est un souhait qu'elle a fait. Ouais. Mais au final, ça devient une malédiction. Exactement. En fait. C'est vraiment ça. Au final, elle regrette presque son choix parce que. Et du coup, c'est assez bien amené. Sans pour, enfin voilà, c'est pas des théories trop compliquées là, c'est assez fluide. Je sens que ça va être le piège du podcast là, c'est qu'on va avoir envie de lire trop de choses après. C'est pas comme si on avait déjà. Des piles, comme dirait Samuel Hubert, c'est cœur quoi, voilà, parce que c'est vraiment. Pour le coup. C'est vraiment ouais. Bon. Ouais. Et alors moi, du coup, je finis juste sur ma petite thématique avec l'âge d'or de Cyril Pedrosa. Ok. Peut-être moins d'accord sur celle-là, je te laisse parler. Et écoute, moi je me suis fait offrir le tome 1 et 2. J'avais déjà lu le tome 1, j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 2 parce que ça s'empile. Pour l'instant, c'est ça. Moi j'ai lu le 2. Toi aussi. Dire. Et en fait, c'est pareil, c'est sur une femme en fait qui est. Son père meurt, c'est le roi du royaume. Il y a un petit côté Game of Thrones, j'ai l'impression. De royaume, de lutte fratricide. Ah oui, ok. Un peu de magie. Ouais. Et en fait, du coup, il y a un coup d'État, c'est elle qui devait hériter du royaume, et au final, et comme c'est une fille en plus, il y a un coup d'État et elle doit combattre, donc elle part un peu en quête pour récupérer son royaume. Je suis en train de regarder les planches, elles sont trop belles. Hein. Ouais, le dessin de. Vraiment... Ouais. Et les couleurs. Et il y a des trouvailles scénaristiques qui sont assez chouettes. En fait, il y a des doubles pages où l'action. Elle chemine, ouais. Voilà, l'action se déroule sur toute la page. Ouais, il y a vraiment le cheminement sur une double page. Donc en fait, on voit tout le paysage qu'elle est en train de traverser. Ouais. Qui est vraiment mis sur la double page avec, effectivement, on le voit plusieurs fois, le petit groupe, en fonction du cheminement, et ça, c'est vachement bien fait. Et Pedrosa, il y a les couleurs qui explosent complètement. Mais du coup, tu étais peut-être moins convaincue, Hélène. C'est encore une BD dense, et moi, je l'ai trouvée parfois un peu dense, et ça, je me suis perdue, en fait. Justement, le tome 2, j'étais curieuse de voir la suite, et en fait, je l'ai lu assez vite parce que je me suis perdue un peu dedans. Beaucoup d'intrigues et il y a des allers-retours, on suit différents groupes. Ouais. Et moi, j'ai un peu lâché. Mais écoute, je te dirai quand j'arriverai enfin à le lire. L'année prochaine. C'est ça le problème, c'est que quand on achète, on privilégie ceux de la médiathèque pour que ça roule, pour que les gens puissent les avoir. Oui. Et du coup, ta bibliothèque à toi, elle est un petit peu. Elle n'en finit pas. C'est ça. Ok. Voilà, donc en fait, c'est la même thématique des jeunes femmes. En fait, c'était vraiment cette thématique des jeunes femmes qui... Mais c'est vrai que là, dans les productions éditoriales, on a pas mal de choses qui sortent. Il y a eu l'effet Pénélope Baju avec les culottés. Parfois, c'est un peu opportuniste et c'est pas des BD forcément qui sont remarquables, mais ça a le mérite en tout cas de... Il y a un vrai travail, je trouve, sur ces trois BD de dessin, d'histoire, de... Voilà, c'est pas comme tu dis, juste parce que pour répondre dans l'air du temps, ces trois auteurs, ils ont vraiment BD visent vraiment un public très féminin, girly. Là, pour le coup, c'est... Là, ça peut être ces trois BD qui peuvent être lus aussi bien par des filles que des garçons. C'est peut-être pour ça que ça fait plus écho, justement. Mais c'est ça qui est bien, parce que souvent, il y a eu une bande dessinée un peu classée féminin, ou voilà, avec des dessins très ronds, etc. Et justement, là, on arrive à retrouver de la BD, on va dire, classique, qui peut plaire à tout le monde. Justement, des hommes, des enfants, des ados peuvent se retrouver aussi sans forcément qu'il y ait ce côté très girly. Avec trop de références féminines. Là, et les filles ont su s'adapter aux BD, de s'identifier à des BD où c'était des garçons jusqu'à présent. Les garçons, là, c'est pareil dans ces trois BD. C'est pas parce que c'est une fille ou un garçon. Quoi. C'est vraiment. Alors, effectivement, il y a des propos féministes qui sont portés. Mais je trouve que c'est intéressant aussi. Enfin, faut pas se poser la question de ouais, c'est une fille, j'ai pas envie de le lire. Non, c'est vraiment des BD qui sont à lire, quoi. Trop bien. Samuel, je crois que tu as aussi de la BD sous le coude. Encore une bande dessinée. Ouais. j'en aurai une après aussi. Donc, je crois qu'on est quatre aficionados en plus de la BD. Après, moi, je suis moins BD franco-belge, mais du coup, c'est toujours intéressant d'avoir... parce que comme je prends seulement les suggestions qu'on me fait, bah, quand je lis de la BD franco-belge, je lis que des bonnes choses. Ouais, bah, voilà. Et ça, c'est un régal. Ouais. C'est que tu es bien entouré. C'est ça, exactement. Bah, vas-y, on te laisse la parole. Le titre, c'est « Amour minuscule ». De Stefano Turconi et Teresa Radice, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ouais. Et là, pour changer, ça se passe donc à notre époque, donc en 2017, et on va suivre en gros un couple, donc une jeune femme qui s'appelle Iris et qui est italienne, et un jeune homme qui s'appelle Ismail et qui est d'origine syrienne. Ils s'installent en Italie dans leur maison. Le couple, ça se passe bien entre eux. Ils veulent faire un enfant, faire un projet de famille. Et Ismail va repartir en Syrie pour essayer de sauver certaines œuvres. Du coup, comme il y a la guerre là-bas, il essaye de sauver des œuvres d'un musée. Et lors de son séjour, en fait, il va perdre ses papiers suite à une attaque. Et il va essayer de retourner en Italie sans papiers, forcément. Sympa. Et on va suivre de son côté, tout son parcours très compliqué. À travers le désert et aussi la traversée entre... pour aller jusqu'en Italie. Et de son côté, Iris est enceinte. D'accord. Donc on va avoir en parallèle la jeune femme qui va avoir sa grossesse, essayer de... Seule, essayer de... Ouais, de... puis pas inquiète en plus, j'imagine. Si, inquiète forcément. Vu qu'il perd son téléphone, il n'a rien, donc forcément pas de nouvelles. Donc elle garde toujours l'espoir que son compagnon soit vivant. Donc il y a ces deux, temps-là qui sont les uns après les autres. À côté de ça, on a aussi Iris qui écrit à son futur enfant, qu'elle appelle Amour minuscule, d'où le titre. Ah, okay. D'accord. Et donc il y a aussi tout ce lien qu'elle crée avec son enfant, en lui disant ton papa n'est pas là, mais bon, on va essayer de que tout se passe bien pour toi. Et on a aussi un peu l'histoire de leur rencontre à eux, donc en Syrie, où lui faisait des visites, donc ils se sont rencontrés, elle, illustratrice... ils se sont liés comme ça, et donc on a l'histoire aussi de leur rencontre. Ça a l'air dense, du coup, c'est bien mélangé, c'est tout ça. C'est énorme. Ouais. La BD est assez grosse. Là, vous avez prêté des grosses BD. Ouais. Là, elle est encore plus grosse. T'en parles, je l'ai lu aussi. Et du coup... Je l'ai trouvé sur le sujet très belle. Il y a aussi tout le sujet de la fuite, de la guerre, etc. Ouais, ouais. Et Iris, en fait, dans son histoire familiale, il y a aussi de ça. En fait, au début, on se dit, ça va être peut-être plus calme, mais en fait, non. Sa grand-mère, je crois, a dû quitter l'Italie dans les années 30. Ouais. Sa mère a dû quitter l'Argentine dans les années 70. Donc, en fait, il y a une histoire de migration aussi. Il y a tout aussi... on parle de la Syrie actuellement, mais on voit aussi qu'il y a différentes couches et différentes histoires qui rentrent en résonance aussi avec elle, son histoire familiale, et lui, Ismaël, dans le présent, qui essaye de s'en sortir et de rentrer. Du coup, il quitte son pays, mais pour fuir la guerre, quoi. Okay. Ouais, du coup, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je l'ai lu, alors j'avoue que j'ai pas gardé des grands souvenirs, mais effectivement, c'est pas une BD sur... Il y en a déjà sur la guerre en Syrie, sur les migrants, mais il y a aussi tout le côté, histoire d'amour, couple, effectivement, c'était chouette. Et la rencontre avec Saul, qui est un prêtre, en fait, qui a une sorte d'église, mais qui est ouverte à tous, justement, en Syrie, dans les montagnes, et qui est plus un prêtre philosophe, en fait, et qui accueille tout le monde. Et qui... En fait, on le voit en plus, il est à plein d'endroits dans le... On voit qu'il a été au croisement, en fait, de plein de personnages dans la BD. Et c'est super intéressant de voir un petit peu l'impact qu'il a eu par ses mots sur les différents personnages. Et là, je vois la couverture, parce qu'il faut préciser. Hein, moi, j'ai mon petit papier. Ouais. Samuel a son téléphone. Je l'ai pris en photo pour pas oublier les auteurs. Voilà. Ouais, c'est clair. Ah, moi, je suis plutôt Team Samuel. C'est ça. Et en fait, le dessin a l'air manga un peu, c'est ça? Pas du tout. Ouais, parce que là, la coupe, ça a l'air un peu... Non, les dessins sont magnifiques. Et j'avais déjà lu une bande dessinée de ces auteurs-là qui n'était pas du tout sur la même thématique. Ouais. C'est le port des marins perdus. Et pareil, qui était d'une... Je te l'ai montré. C'est la possible, couverture, mais tu m'en montres trop aussi. J'ai pas compris la couverture, je la trouve pas forcément des plus accrocheuses. Ouais. Un voilier, Ouais. Mais Là, c'est pas du tout la même thématique, c'est un peu plus la piraterie. On a un jeune homme qui perd la mémoire, qui se retrouve sur un bateau. J'ai lu aussi. Hélène, elle a tout lu. Je sais pas, c'est pas du tout les mêmes thématiques, mais je trouve que, enfin, pareil, elle est très épaisse. Et je sais pas, j'aime beaucoup en fait la manière dont il raconte les histoires, la manière dont c'est dessiné. C'est beau en fait. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien. Moi, souvent les bandes dessinées, je sais pas comment vous les choisissez, mais moi, le dessin. Faut qu'il me parle, quoi. Ça peut être rédhibitoire. C'est clair. Même si on a beau te la pitcher, tu dis que le thème peut te plaire, après, le dessin. C'est la première approche, en fait. Ouais. Tu le vois, tu fais « Ah, ça me plaît ». Effectivement, après, c'est un peu horrible parce qu'on se fie juste à l'image, mais. Ah, mais ça fait complètement partie de ce qu'est la BD, quoi. Ouais, carrément. Mais des fois, j'ai l'impression d'être flouée parce qu'il y a des BD, elles ont une super couverture, mais l'intérieur n'est pas du tout le même style. Et alors là, je suis. La déception. Voilà, déçue des fois. Après, moi, j'ai pas trop de style de dessin. Parce que ça peut être du dessin réaliste, du dessin ordinateur même, de l'aquarelle et tout ça. Mais il faut que j'accroche quand même, quoi. C'est vrai clair. Que je ne saurais pas définir un style de dessin, mais il y en a qui ne me parlent pas, quoi. Enfin, je suis totalement... Et à l'inverse, il y a des fois, tu as des BD où c'est le choix d'un dessin très carrément. Minimaliste, mais par contre, le sujet est vraiment bien amené et il n'y a pas besoin d'avoir... Est-ce que c'est la transition pour la prochaine BD ou... Alors, ça aurait pu, mais du coup, j'avais... Bon, je ne sais pas si on en parlera, mais je pensais plutôt à une autre BD qui est complètement différente. Ça s'appelle L'Oasis. Alors, j'ai oublié l'auteur, mais du coup, c'est plus un... Une petite recherche. Un carnet de croquis, en fait. Du coup, là, c'est son histoire. Donc, c'est un dessinateur de BD. Et avec sa femme, ils viennent d'acheter une maison. Du coup, je crois que c'est dans le centre de la France. Et avec l'idée, c'est à leur choix, il y a un très grand jardin. Et l'idée, c'est de faire leur jardin de leur rêve. Et donc, du coup, c'est plutôt carnet de croquis, un peu récit, pas d'aventure, mais récit. Ah oui, tu m'en as parlé l'autre jour. Ouais. Et donc, exactement, c'est ça. Donc, c'est de Simon Hureau. Voilà. Et en fait, je l'ai conseillé à des collègues qui lisent moins de BD, mais qui sont intéressés par le jardin, puisque du coup, toute ça... Est-ce que tu peux lire le sous-titre ? Je vais essayer de rouvrir ça, mince. Du coup, c'est une petite jeunesse d'un jardin biodivers. Voilà, biodivers, puisque en fait, effectivement, lui, son idée, c'est donc le moins de pesticides possible et surtout de refaire revenir la nature sauvage. Et donc, il va creuser un puits, il va guetter pour l'arrivée des libellules, l'arrivée Et donc, ça se passe sur plusieurs années et on le suit, il est assez attachant et du coup, on voit tout son engouement dès qu'il y a un nouvel oiseau qui arrive, dès qu'il y a un nouvel insecte. Et c'est tout son cheminement, il fait plein d'erreurs aussi, il y a des plantes invasives, il essaie de discuter avec ses voisins qui ont des plantes qui arrivent. Et du coup, j'ai trouvé ça très chouette. Et c'est une petite approche du vivant, lui, il essaie un peu de remettre un peu le côté sauvage. Et donc, ça se lit facilement. Ça me fait penser à un manga que j'avais adoré il y a quelques années, qui est à peu près sur le même thème. Alors, c'était plutôt un agriculteur, et c'est tiré d'une histoire vraie, ça s'appelle « Les pommes miracles ». Et en gros, c'est l'histoire vraie d'un agriculteur japonais qui, à une époque où tout le monde s'est lancé dans l'agriculture avec des pesticides, etc., a décidé de faire pousser des pommes au Japon et qu'elles soient totalement bio, qu'il n'y ait vraiment aucun produit. Et donc, dès qu'il doit faire fuir des insectes ou autre, il va essayer de faire ça avec des produits naturels en utilisant, alors j'ai plus ça en tête, mais des vinaigres, des choses dans le genre. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu la même démarche. C'est un tome. C'est ce qu'on appelle un one shot quoi, et c'est vraiment génial. Enfin, j'avais adoré sur le coup, hyper bien dessiné, la couve est trop belle aussi. Donc, par contre, moi, les auteurs japonais, j'ai jamais la mémoire des noms. Alors déjà que j'ai pas celle des auteurs locaux, donc. Et le jardin, moi, ça me fait penser. Là, je viens d'en finir une bande dessinée. Ça s'appelle Le Jardin de Rose. C'est pareil, j'ai pas l'auteur en tête. J'avais pas prévu d'en parler, mais là, tu me parles de jardin, ça fait résonance. Et en fait, c'est un peu côté Lulu femme nue d'Avodo. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. En fait, c'est une dame qui vit dans une cité. Elle est au chômage. Donc, ça commence par un entretien pour l'emploi. Après, elle va dans sa cité et tout ça. Et en fait, elle aide une voisine qui vient de se casser la cheville, en fait. Et qui, parallèlement, vient d'avoir les clés de son jardin dans des jardins associatifs, en fait. Et elle renaît à la vie vraiment avec ce jardin associatif. C'est tout simple comme histoire, mais c'est la renaissance de cette femme d'une cinquantaine d'années avec... alors, il y a un petit peu des petits pitchs, des petits retournements de situation et tout ça. Mais c'est cet éveil de cette femme de plus de 50, parce qu'elle n'y connaît rien au jardin, et même au début, ça ne la motive pas du tout, à travers le jardin. Et je trouve que si vous avez Lulu, femme nue, ça, c'est pas mal. D'accord. Le jardin de Rosan. Ouais. De Hervé Dufaux. Tout à fait. Voilà. Ah, mais ces hommes qui écrivent sur les femmes. Mais ouais, très chouette. Tu avais peut-être quelque chose d'autre à ajouter ou... Non, mais il faut aussi voilà, le côté aussi grand public qui peut être sympa. Okay. Pour des gens qui... Il y a des BD comme ça, il y a eu à une époque tout un courant sur les BD sur le vin, enfin, ouais, il y a eu plein de formes de BD, et pour moi, c'est des BD qui peuvent être attirantes pour des personnes qui lisent moins de bandes dessinées. Par exemple, ça peut être des livres que je conseillerais à ma mère qui a la soixantaine, qui lit très peu de BD, donc qui, du coup, par là, ça pourrait lui plaire. Et puis même par le sujet, ça peut attirer des gens, effectivement, qui se lancent... dans la permaculture ou des choses Et là, cette saison, en plus. Ouais, voilà. Vraiment. Puis c'est pas trop lourd à lire. C'est des BD qui se feuillettent. On peut couper. Il faut pas reprendre toute l'histoire. Parce que c'est vrai que ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, c'est... c'est des gros bébés. Et moi, je vais continuer parce que j'avais prévu de vous parler d'une BD qui s'appelle Carbone et Silicium. Vous avez peut-être entendu parler. Alors, elle est dans ma liste de réservation. Elle est dans ma pile à lire. Ouais. Voilà. Et là aussi, c'est de la grosse BD, c'est du costaud. Alors, c'est clairement moins grand public que... Mais ça a eu plein de prix aussi. Moi, je l'ai vu, mais toi, je ne l'ai pas ouverte. Elle se bataille vraiment avec Podum sur tous les classements de l'année 2020. Carrément, oui. Alors moi, il y a plusieurs choses qui ont fait que je me suis lancé dans la lecture de Carbone et Silicium. La première chose, c'est que il y a des collègues ici qui l'ont mis en coup de cœur BD l'année 2020. Ouais. Donc c'était dans notre sélection de coup de cœur 2020. Ouais. Dernièrement, j'ai écouté aussi pas mal de conférences et d'interventions d'Alain Damasio, auteur de SF français particulièrement reconnu. Qui vient de sortir pour la jeunesse, en fait, pour les ados, un livre... Et du coup, il a écrit en fait une postface à la BD Carbone et Silicium. Et en fait, je l'ai entendu parler de cette BD dans un format que j'aime bien sur Internet. C'est des vidéos de Combini. On invite un auteur à rentrer dans une librairie et à parler de ses livres préférés, etc. Et c'est assez chouette. Et la troisième chose, c'est que c'est publié chez Ankama, chez un label qui s'appelle Label 619. Ouais, c'est ça. Et il peut acheter les yeux fermés, presque. C'est ça. Ils éditent que des choses que je trouve géniales. Ouais. Notamment, j'avais adoré il y a quelques années Moutafoukas, qui pour moi est un must-have. D'ailleurs, ils ont sorti une version. Ciné, ouais. Non, ils ont sorti une version là récemment, un petit feuillet style comic books américain. Okay. En fait, sur une version Moutafoukas, mais western. D'accord. Bon, bah, je vais regarder ça parce que je suis passé à côté. Carbone et Silicium, donc, c'est de la SF. C'est de la SF et on va suivre deux personnages centraux, Carbone et Silicium, qui sont en fait des robots dotés d'une espèce de super intelligence artificielle qui dépasse de très loin ce que l'esprit humain est capable de comprendre. Sauf que les humains ont, pour des questions de rentabilité, ont conçu ces fameux robots avec une date limite. Ouais. Et vous en doutez, les robots, ils n'ont pas envie de mourir. Et donc, on va suivre l'histoire de ces deux personnages qui, chacun à leur manière, vont trouver une solution pour ne pas mourir et vivre pendant des décennies et des décennies. Et ce qui est génial, en fait, c'est que toute la BD, on va suivre leur évolution sur, je crois que c'est plusieurs siècles, si je ne me trompe pas, c'est assez génial. Et je trouve que là où la BD est hyper réussie, c'est que les humains sont placés un petit peu en arrière-plan de la BD. D'accord, oui. Et en fait... on se retrouve observateur de l'évolution de l'humanité au travers des yeux de ces deux robots qui vont en plus développer une espèce de... On ne sait pas si c'est une romance ou quoi, et c'est en ça que c'est hyper intéressant. Mmh. Et qui vont prendre tous les deux des directions de vie qui sont totalement opposées. Là où l'un va choisir plutôt de s'exclure de la société, en fait, son objectif, ça va être de découvrir le monde entier, et à chaque fois qu'on va le rencontrer... il va nous dire quel pourcentage de la planète il a eu l'occasion d'explorer, etc. Donc, un petit peu de l'aventure, quoi, c'est ça. Génial. Il va y avoir des planches où on va le voir en haut des plus belles montagnes chinoises, etc. Ouais. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et le récit va plutôt être articulé autour de l'autre robot qui, lui, va faire le choix de rester au sein de la société et de faire reconnaître, par exemple... les droits des robots, etc. Et ensuite, qui va décider de prendre une autre direction que celle de l'humanité. Bref, c'est hyper intéressant, très très efficace. Et ce que je trouve fou, c'est qu'on a quand même pas mal de planches qui, des fois sans texte, arrivent à nous raconter énormément de choses. Même si ça reste une BD qui est plutôt bavarde, on a des phases qui sont assez riche, mais ouais. je recommande beaucoup. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu un aussi gros coup de cœur en BD franco-belge. Quoi. Personne n'a lu là autour j'ai de la table. Je n'ai pas lu celui-ci, mais j'avais lu les précédentes BD de Mathieu Bablet aussi. Ouais, Shangri-La, je crois. Shangri-La, il y a La Belle Mort aussi, ouais. Il me semble. Et de tout, déjà, son style graphique, on va dire, ouais. est très particulier. La couverture, ouais, c'est assez original. C'est très particulier. Ouais. Tu vois le dessin, tu sais tout de suite que c'est lui, en fait. C'est pas possible de se tromper. Ouais. Et je trouve qu'il a une approche de la science-fiction qui est très chouette, pour le coup, qui change aussi de ce qu'on a pu lire avant. Il prend des angles, en fait, ouais. Très particuliers, comme celui-ci. Ouais, là, c'est clair. C'est, ouais. Il n'est pas très vieux, et je trouve qu'il a, il a vraiment une vision très mature, en fait, de certains sujets. C'est ça, c'est, tu lis ça, tu ne te dis pas que c'est un gars aussi jeune qui a pu penser autant de choses, parce que ça, alors pour Carbone et Silicium, moi j'ai pas lu ses autres BD, mais ça fait partie du coup des choses que je compte lire. Ça aborde quand même un nombre de thématiques qui est hyper large. C'est hyper philosophique par moment. Ça parle de religion à d'autres moments, de la place des technologies dans la société, ouais. Du monde capitaliste, etc. Ses limites. Bref, tout un tas de choses. Vraiment, c'est passionnant. Ah bah ça donne envie, moi c'est dans ma liste, alors avant ouais. que vous les rendiez. Après moi effectivement j'ai vu aussi la couverture et tu ouais. disais au niveau du graphisme, on rentre ou on n'est pas. Voilà, mon premier regard pour l'instant c'est que moi ça ne m'attire pas trop. Bah mais ouais, effectivement ouais, par comprendre. Contre j'avoue que là de vous m'éclairez un peu plus et à l'occasion, là peut-être grâce à vous. Et tu parlais d'Amazio, il y a la Horde du Contrevent qui a été adaptée en bande dessinée. Ouais. Et elle est vraiment bien la BD aussi. Ouais. Et là c'est vraiment le... C'est parce que Damasio, ça peut paraître un peu dur à lire. Enfin, moi, je sais que j'ai lu Les Furies. Ouais, c'est pas le plus accessible. C'est, ouais. Ça peut être dense et tout ça. Et le fait qu'il y ait la BD, là, c'est pas mal. Quoi. Du coup, c'est assez bien retranscrit ouais. ici pour en ça avoir parlé avec quelqu'un qui avait lu le livre. Ouais. Mais et elle est vraiment bien. Quoi. Le dessin est bien aussi. Quoi. Il travaille pas mal sur le fait de rendre ses œuvres accessibles ouais, sous ouais, différents... Ouais. Format. Je sais qu'il a fait une tournée aussi d'interprétation sur scène avec des ambiances sonores, ouais. etc. Bah, son dernier roman, là, notamment, il travaille beaucoup sur le son et la ouais. graphie, en fait. Et Les Furtifs, en fait, ça s'appelle pas Fury, mais Les Furtifs. Ouais, et Les Furtifs, en fait, c'est des... On sait pas trop ce que c'est, mais il communique par le son, quoi. Ouais. Et donc, ouais, il y a tout un travail de... Limite, quand tu lis le livre, t'entends les bruits, quoi. Donc, c'est vraiment... Quand tu l'écoutes en interview, en conférence, etc., tu sens qu'il a un vrai amour ouais, pour ouais. le son, la musique. Ouais. Il a aussi, avec une équipe, développé une application il y a pas longtemps... alors je ne sais plus si elle est gratuite ou payante, mais c'est une espèce d'expérience ludique, mais ce n'est pas que du jeu, en réalité augmentée. D'accord. Donc en fait, tu vas filmer autour de toi et ton téléphone va te donner des instructions, etc. Je n'ai pas eu l'occasion de tester, j'ai seulement vu des retours, mais paraît que c'est assez enthousiasmant ouais. et original. Donc on sent qu'il a envie de sortir un petit peu du format papier, même si c'est son cœur de métier. Ah bah c'est un maître de la SF, quoi. Ça, c'est clair que... Ouais, bah il est souvent cité comme une des personnalités qui réinvente un petit peu l'écriture en ce moment et tout simplement qui écrit le mieux, donc voilà. Du coup, si on a un peu de temps, du coup, j'avais une autre idée que j'avais amenée. Donc, autre chose, peut-être un peu plus jeunesse. Ça, c'est une très bonne découverte. Ça s'appelle Incroyable. Alors, les auteurs, c'est Zabu et Polit, j'imagine que je prononce bien. Et là, il y a un petit côté Picobox, je ne sais pas si vous connaissez, avec un enfant qui se pose beaucoup de questions. Samuel fait des cœurs. Samuel fait des cœurs. Ça fait faire des cœurs. Je sais que tu adores Picobox. Ah oui, Picobox, j'avais pas compris. Ah ouais, Picobox bah et ouais, sa petite sœur, Anna. Je trouve bizarre que tu réagisses pas du tout. La couverture est assez sympa. Aussi, ouais. Et donc, on retrouve un dessin comme ça, très, très léger, et un enfant qui se pose beaucoup de questions. Donc là, j'ai oublié son prénom, mais si, Jean-Loup. Voilà. Et donc, c'est un petit héros qui doit être, je pense, en primaire et qui a beaucoup de toc. Il est très, très introverti. La première scène est assez chouette. En fait, il rentre à pied de l'école jusqu'à chez lui et il compte les lignes. Si la voiture rouge passe, tout va bien se passer. Si le monsieur ne se retourne pas. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette. Et donc, voilà, donc très introverti. Et sauf qu'il doit falloir qu'il fasse un exposé pour l'école. Et lui, il est fan de culture générale, il a plein de petits tiroirs, il note plein de choses. Donc c'est un personnage comme ça assez attachant. Et il va participer à un concours d'éloquence avec un exposé à faire. Donc c'est tout ce parcours qu'il va faire. Il a une famille qui est un peu cabossée, mais il y a à la fois dès qu'ils sont un peu absents, et puis à la fois il y a un oncle qui est très drôle, un oncle moustachu qui fait un peu penser à Johnny Hallyday. Et ouais, moi j'ai très sensible. Voilà, c'est de la tendresse qui ressort de cette bande dessinée, et du coup j'ai beaucoup apprécié. Donc pareil, une grosse bande dessinée, mais pour le coup un dessin plus léger. Et j'avoue qu'on a fait une sélection de bonnes grosses BD. Ouais, là, il y a des heures de lecture en perspective. Dans ma réservation, là. Hélène me l'avait conseillé il y a pas longtemps. Il va falloir faire du tri dans les réservations, là, je crois. C'est clair. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment le genre de BD qu'on peut relire. Ouais. Certaines, on les lit une fois et elles ont un impact fort. Puis d'autres, on a envie de les relire et de les savourer. Non, mais là, en plus, c'est des belles BD qu'on vous a présentées, quoi, vraiment au niveau du dessin. Bel objet, aussi. Voilà, des beaux objets. Là, je vois Hélène, elle a. C'est les tiens, et c'est vrai que c'est des objets dans une bibliothèque qui sont, enfin moi j'en achète pas beaucoup, mais celles que j'achète, voilà, c'est que j'ai envie de les garder dans ma bibliothèque, voilà. Et voilà, ça fait vraiment plaisir à les relire et carrément et ça, voilà. Et puis d'autres BD qu'on va juste emprunter à la médiathèque plusieurs fois, mais voilà, d'autres qu'on veut garder. Ok. Moi, j'aurais juste, en fait... j'arrive pas. C'est un numéro spécial BD. C'est pas des BD, justement. Ah, bah, c'est génial, des romans. Moi, je voulais parler de romans aussi, voilà. Après. Donc, Alors, c'est tout chaud. Je viens de le finir hier soir dans mon lit, le génial. Dernier. C'est Ces orages-là, de Sandrine Collette. Alors, c'est une spéciale dédicace à une copine à moi qui est fan de Sandrine Collette. Si un jour ce podcast est diffusé, elle se reconnaîtra. Trop bien. Sandrine Collette, j'avais lu Et toujours les forêts. Alors pendant le confinement, c'était peut-être pas forcément le meilleur choix. Non. Mais là, alors moi, je connais pas du tout, donc du coup, je t'écoute. Non, j'ai pas lu le titre qu'elle donne, mais pour avoir lu l'auteur, tu connais. Ouais. C'est une. En fait, c'est une autrice qui a fait déjà 9 romans, et au début, c'était surtout des policiers. Et moi, je lis pas du tout de policiers. Mais là, les deux derniers sont pas classés en polar, et effectivement, ça n'en est pas. Le premier, Et toujours les forêts, serait une sorte de dystopie fin du monde. Et là, ces orages-là, ça parle d'une nana qui vient de se sortir d'une relation avec un pervers narcissique, en fait. Donc, c'est des thèmes qui sont assez plombants. C'est une écriture, mais hyper dense, incisive, qui coupe court. Enfin, c'est pas des gros romans, forcément. Là, on doit être sur 250-300 pages, quoi. Mais c'est haletant, enfin, on est pris vraiment là dans le dernier roman. On pourrait penser qu'il ne se passe rien, parce qu'en fait c'est une nana qui a rompu avec, qui s'est barrée en fait, parce qu'elle n'avait que ce soir-là, elle n'a même pas rompu, elle s'est barrée de chez lui. Il lui a fait vivre des choses atroces, enfin, y a des scènes vraiment qui sont dures. Et ça pourrait être juste un roman d'introspection d'une femme qui se reconstruit et tout, mais plein de fois dans le roman, on se dit « Mais qu'est-ce qu'elle va faire ?» Et on attend. Et à la fin, on se dit « Mais non, c'est pas possible, quoi !» Et vraiment, c'est une écriture. Et c'est pas des personnages qui sont lisses, quoi, en fait. C'est des personnages complexes. Parce que et toujours les forêts, à un moment donné, le héros, il fait quelque chose. On te dit « Mais non, c'est pas possible !» Enfin, c'est des personnages qui sont ancrés dans la vie. Parce que nous aussi, ben, tous les jours, on voudrait être parfait, mais on ne fait pas des choses parfaites. Et c'est ça que je trouve bien dans ces romans aussi, c'est que voilà, c'est pas parce que c'est le héros qu'il est tout parfait, qu'il est tout beau, qu'il est tout lisse. Là, elle, c'est pareil, elle a vécu des choses atroces et on la comprend et on l'excuse, mais en même temps, c'est atroce, quoi. Et donc vraiment, et puis c'est hyper bien écrit. C'est vraiment, c'est haletant. Moi, je l'ai lu en 3 soirs, là, tellement c'est... Je ne suis pas une grosse lectrice. Mais vraiment, voilà, Sandrine Collette. Rappelle-moi le titre, j'ai un truc de Alors, il y a Et toujours les forêts, okay. Qui est sorti en 2019. Et là, ces orages-là, qui fait partie de la rentrée littéraire du mois de janvier. Ok. Et franchement, ouais, je pense que je vais faire partie, je vais appeler ma copine pour le fan club, en fait. Trop bien. Il y a juste une petite phrase qui me fait rigoler, c'est que tu dis je suis pas une grosse lectrice, alors qu'on vient de parler de plein de BD, de lectrice de romans, bien sûr. Ouais, c'est sûr, mais après, faut pas juger le niveau de chacun. Est-ce que c'est rigolo qu'on différencie Mais après, quand tu parlais un peu de relations toxiques et tout. En fait, ça me fait penser à une autre bande dessinée, encore, désolée, qui est assez copieuse aussi, c'est Tant pis pour l'amour de Sophie Mandin. Ah oui, nickel. C'est pas du tout, par contre, c'est dur comme thème, mais c'est peut-être présenté un peu plus de manière un peu humoristique par moment. Ouais, par contre, c'est très éducatif sur les pervers narcissiques. C'est documenté. Elle raconte, sa relation qu'elle a eue avec un pervers narcissique, donc le début de la relation, mais aussi surtout l'après, où elle va beaucoup se documenter pour comprendre comment elle a pu en arriver si bas, parce que ben, son estime d'elle-même en fait était vraiment à zéro à la fin de cette relation. Et elle présente les articles ou les livres qu'elle a pu lire, qui sont surtout anglophones, en fait. Donc, ça permet aussi d'ouvrir un petit peu... Et puis, elle a un alter ego avec son ours en peluche aussi, qui est hyper savoureux, parce que l'ours en peluche est vraiment génial. Il boit, il pète, il fume. C'est génial. D'où la touche d'humour, voilà. C'est ça. Mais c'est vraiment pas mal, Je pense que c'est pas un sujet qu'on a beaucoup abordé en France. Et du coup, là, elle ouvre, en fait, ce thème-là. Et peut-être aussi, sur les personnes qui ont été dans ces relations, de comprendre un peu le cheminement... pour réussir à se reconstruire et essayer d'aller mieux, en fait. Donc, ça m'a fait penser. Carrément, c'est tout à fait raison. Ouais. C'est en lien, Hélène, tu avais peut-être... Je suis curieuse de savoir ton roman à toi. Moi, j'ai... Alexis lit des livres. Mais même pas mal, là, j'ai dû en lire une bonne dizaine ce mois-ci. D'accord, ah oui. Notamment mal de classiques, mais là, je ne voulais pas vous parler d'un classique. Je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Terre errante. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je l'ai lu aussi, ouais. C'est un roman court chinois de Liu Cixin, donc ça s'écrit son prénom L-I-U et le nom de famille C-I-X-I-N. En bas du podcast. En fait, de toute manière, tout ce qu'on a cité là dans le podcast sera dans la description, donc avec titre, auteur, éditeur, comme ça. Si vous avez envie de faire des petites recherches, ce sera plus simple pour vous. Et Terre errante, vous en avez peut-être entendu parler parce que le livre a eu le droit à une adaptation sur Netflix l'année dernière. Enfin, chez nous, diffusé sur Netflix, mais en Chine, ça a été un énorme film. Plus gros succès au cinéma quasi de tous les temps, etc. D'accord. C'est un film de SF qui s'appelle The Wandering Earth, qui est assez minable comparé au livre. D'accord. Mais en fait, l'objectif avec ce film en Chine, c'était de montrer que les Chinois étaient aujourd'hui capables, en termes d'effets visuels, etc., de rivaliser avec Hollywood. Et c'est vrai que visuellement, ça n'a rien à envier à ce que peuvent faire aujourd'hui les Américains avec des Avengers, etc. Moi, je voulais vous parler plutôt du roman court, donc, qui s'appelle Terre errante, qui se lit très très vite, en 2-3 heures, même pas, vous arrivez... À bout de ce livre, c'est presque une grosse nouvelle, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ouais. Et le principe, c'est qu'on va suivre, alors au départ un enfant, mais jusqu'à son âge adulte, même plutôt avancé, dans un contexte où l'humanité se rend compte que le soleil va bientôt exploser et que du coup, il faut rapidement partir. Problème, c'est que embarquer toute l'humanité dans des vaisseaux spatiaux qui vont peut-être pas survivre au voyage, ça risque d'être compliqué. Donc, et puis, aller où, quoi ? La solution restante, c'est de déplacer la planète Terre. D'accord. Donc, en fait, les humains vont construire des espèces de réacteurs géants qui, pour certains, sont plus grands que l'Everest. Il y en a, je sais plus combien de centaines partout sur la planète, et de passer par différentes phases qui vont être appelées des aires, en fait, dans ce livre. D'abord, l'aire du freinage, qui va consister à faire freiner la Terre pour s'arrêter et lui donner une nouvelle orientation pour partir. Une phase d'accélération où la Terre va tourner autour du système solaire pour prendre de la vitesse et ensuite partir jusqu'à arriver dans un autre système solaire. Et ça, c'est plus facile que les vaisseaux. D'accord. En fait, là, t'embarques tout le monde plutôt que de faire des... Exactement. Comme tu disais, pour aller où ? Là, tu es sur la Terre, tu restes sur la Terre, d'accord. Et tu vas ailleurs. Okay. Et du coup, les humains vivent dans des espèces de bases gigantesques sous Terre parce que vous doutez qu'en arrêtant la planète et en la déplaçant, elle va passer par différentes aires où des fois, la température va être extrêmement élevée quand elle va se rapprocher du Soleil. Et à contrario, la plupart du temps, soit quand on sera côté face cachée... avec le soleil qui est de l'autre côté ou carrément éloigné de la planète, du soleil, des phases d'air glaciaire absolument terrifiantes. Ne serait-ce que les marées avec les rotations et tout ça qui sont exactement les mêmes. Exactement. Donc c'est absolument passionnant. Il y a des fois des comparaisons, des figures de style que je trouve assez efficaces et intéressantes. Et en fait, réussir à transmettre autant... de choses, d'émotions, aborder autant de thématiques, puisque là aussi, ça va parler croyances. Dès le début, on va nous expliquer que il n'y a plus de religion sur Terre, parce que les gens se disent, pour qu'il nous arrive ça, c'est que soit il n'y a pas de Dieu, soit il nous déteste. Donc, c'est juste pas possible. Et finalement, en une, je crois qu'il y a 70 pages, 75 pages. Ah, raconter oui. tout ça oui. en 75 pages, ouais, c'est... Là, je t'écoute et je me dis, mais purée, on dirait que c'est un livre qui bah, est énorme. Ouais, ouais, parce que non, déjà, c'est, du coup, il y a toute la technique ouais. qui n'est pas trop expliquée, quoi. Parce qu'on parlait de Damasio tout à l'heure, bah, là, en fait, il y a la technique. Au contraire, et... ça va ouais, surtout si. S'intéresser D'accord. à ça. Ça va être beaucoup de descriptions de ce qui se passe, les phénomènes sur la planète Terre, etc. Et on va très peu s'attarder sur les relations entre les personnages. Lui va par exemple rencontrer une femme, etc. Mais à chaque fois, ça va être raconté en 2-3 phrases. D'accord. Et finalement, c'est pas le cœur du roman. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas le temps de se soucier des relations humaines, etc. Là, il est question de survie. Mmh. Et ce qui compte, c'est s'en sortir. Vraiment, c'est très, très efficace. Et c'est vraiment dommage que le film adapté du roman soit... franchement aussi mauvais ouais. en partant d'une base aussi efficace. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris plus ou moins l'univers, le concept de la planète qui ouais. se déplace. Mais déjà, il n'y a pas toute cette temporalité. Mm. Alors, je me doute qu'adapter au cinéma ouais. une temporalité aussi longue, c'est pas forcément évident, quoique certains ont réussi à le faire. Oui, puis il n'y avait que 75 pages du roman. Il y avait de quoi étayer, du coup, en film. Oui, c'est clair. Pas dit, quoi. Mais ils ont voulu faire un truc... hollywoodien, quoi. Ouais. Et c'est un petit peu dommage. J'ai pas vu le film, mais D'accord. j'ai lu le roman et on en avait discuté juste avant ouais. que tu le lises. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé aussi. C'est efficace et comme tu dis, il y a des tout le côté scientifique qui est assez bien expliqué et on comprend en fait, même si ça paraît technique, on comprend et on suit en fait le mouvement et on se demande où ça va aller. Vers où il tourne, est-ce que ça va et fonctionner. Et là, quand tu nous racontes, on se dit, mais la fin. Enfin, doit être très dur à tenir en haleine. Est-ce que c'est pas sans la raconter c'est... Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Ouais, il y a un parti pris qui a été assez intéressant. Je pense que ça finit pas comme on pourrait l'imaginer. Okay. Franchement, hyper efficace. Ça en dit beaucoup sur l'humanité, en fait. C'est surtout ça. Finalement, en parlant très peu des hommes, ça en dit beaucoup sur nous. Moi, c'est, ouais. c'est en ça que j'ai adoré. Vraiment hyper, hyper efficace. Et si ça peut donner à certains l'envie de s'intéresser à ce qui se passe aussi côté asiatique, parce qu'il y a ah oui. vraiment des productions, que ce soit en littérature, en cinéma ou autre, à vous faire découvrir, quoi. Ce serait tout gagné pour nous. quelqu'un d'autre avait envie de parler de roman ou pas du tout ? Moi, j'en ai peut-être... Bah vas-y, continue. Alors, là, en ce moment, j'en ai plein sous le coude, mais une autre... Dans un thème tout à fait différent, alors classique, mais que j'avais jamais lu, c'est L'étrange cas du Dr Jekyll and Mr Hyde. Ouais. Ouais, je pense qu'on a tous entendu parler de l'histoire sans voilà. avoir vraiment lu. Bah, quoi, c'est en fait, exactement au final, ça. C'est ça ouais. Je connais les bases, mais ouais, c'est ça, ouais. je l'ai lu, mais il y a très longtemps. Bah, c'est ça, c'est que. Alors, toi, tu l'as lu, mais très souvent, les gens connaissent, ouais. Ils savent de quoi ça parle, mais n'ont pas lu le livre. Alors, déjà, j'étais assez étonné. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plutôt un roman adulte, et en fait, c'est classé en ado, même si je pense que pour avoir une lecture complète de l'œuvre, c'est mieux d'être adulte. Ça aborde certaines thématiques de manière un peu cachée, qu'un adulte est capable de décrypter, et peut-être pas forcément un ado. Et c'est en ça que le livre est réussi, c'est-à-dire que je pense que tu peux le lire à 15 ans et prendre du plaisir, et en tant qu'adulte, le lire. Et le relire après, et d'avoir une autre lecture aussi. Exactement. Alors là où j'étais assez surpris, c'est que je pensais que le fameux Dr Jekyll and Mr Hyde allait être le protagoniste de mm-hmm. l'histoire, et en fait pas du tout, on va suivre un autre personnage qui va voir l'évolution du Dr Jekyll d'un regard extérieur. Et en fait le roman joue un petit peu avec les genres, c'est quasi par moment du policier, parce que va y avoir des choses qui vont être commises, et nous on sait qui c'est, ouais. forcément. Mais le protagoniste, lui, n'en a aucune idée, a des doutes, et on va voir ce qui va le conduire à découvrir que bah, le docteur Jekyll... Quoi. On est au courant déjà du meurtrier, mais toute l'enquête est de savoir comment ça va se passer. Quoi. Ben, en fait, je trouve... moi, c'est pour ça que, par exemple, très souvent, le spoil, ça ne me dérange pas oui, du oui. tout. Alors, ça dépend pourquoi. Pour les séries, ça me dérange, parce que souvent, un des seuls intérêts de la série, c'est finalement ce que ça va nous raconter. Là où, dans le cinéma, moi, connaître à l'avance la fin d'un film, ça ne me dérange pas. Parce que finalement, je vais plus m'attarder sur le chemin ouais. et comment le réalisateur va nous amener à un résultat que le résultat. Et souvent, je me rends compte que je prends plus de plaisir quand je connais déjà la fin D'accord. que quand je connais pas. Et il y a même eu des études qui ont prouvé que quand on connaît la fin d'une histoire, on prend plus de plaisir à découvrir l'œuvre que quand on ne connaît pas la fin. Alors, il y a aussi de rien connaître du tout. Moi, j'ai lu un roman comme ça, c'est Room, en fait, d'Emma Donaghue. Et en fait, je connaissais pas du tout, j'ai juste pris. Et là, je me suis laissée emporter, mais le fait de rien savoir du tout, c'était tellement. Ça met dans une. Enfin, dans une transe, quoi, même quand tu as des actions qui se passent et tout, quand tu sais pas, tu es vraiment plongé dedans, quoi. Oui, il y a plusieurs écoles, quoi. Ouais, carrément. Après, là, forcément, on connaît tous le résultat de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Oui, voilà, ça fait partie des classiques, quoi. Et du coup, voir ce cheminement et les thématiques que ça aborde, hyper efficace, comment l'auteur va nous amener à la révélation finale, etc. C'est top. Et ouais, la question des thématiques que je trouve hyper intéressante, bah, forcément, la plus évidente, c'est la dualité de la personnalité, les bas instincts, etc. Mais en fait... En y repensant, il y a une autre lecture, c'est celle de l'addiction aux drogues. En fait, on se rend compte que le docteur Jekyll, pour devenir Mr. Hyde, prend une espèce de potion concoctée par ses soins. Et malgré le fait qu'il sait que ça le conduit à devenir un être abominable, et même quand il se décide à arrêter de devenir Mr. Hyde, il y a toujours un moment où il va retomber dedans, reprendre cette fameuse potion et se retransformer. Donc, vraiment, ça hyper efficace. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. En termes de suggestions, je vois que ça fait une cinquantaine de minutes qu'on discute. Est-ce que vous vouliez peut-être parler d'autre chose? Est-ce que vous aviez peut-être un film, un jeu vidéo, un jeu de société, quelque chose sous le coude à recommander? Moi, ma petite feuille est faite et c'est fait. Ouais. Voilà, j'ai tout checké. Je te vois réfléchir, Samuel. Elle réfléchit intensément, ouais. Moi, je peux continuer de parler, hein. Notamment... Ah oui, alors Alexis, on peut jamais l'arrêter. Non, ouais, donc, c'est clair. Si, je pense à un CD. Alors, je sais pas si on l'a encore. Peut-être qu'il est dans les commandes en cours que j'écoute en ce moment et que j'aime bien. En fait, j'ai découvert le groupe dans un autre podcast. C'est 301 vues de Cyprien et elle était là pour chanter, expliquer un peu ce qu'il faisait. Et c'est Vidéo Club. Ah oui. Euphorie. Enfin, c'est Vidéo Club, c'est le nom du groupe. Euphorie, le nom de l'album. D'accord. C'est de la chanson française, mais la musique, c'est très rétro, années 80. Ouais. Et c'est un mix, enfin, je sais pas, moi, c'est mon petit doudou du moment. Je me le passe un peu en boucle. Et, voilà. En fait, la chanteuse est hyper connue sur YouTube. C'est une jeune fille qui s'appelle Adèle. Elle doit avoir maintenant 20 ans. Elle a commencé à faire des vidéos. Ouais, elle avait 16 ans. À l'époque, déjà, je me disais, elle est super drôle, elle. Parce que généralement, les vidéos de jeunes filles de 16 ans, c'est rarement ce qui me parle trop sur YouTube. Ah bon ? Mais elle avait une vraie autodérision sur sa génération, etc. Elle a fait une vidéo sur les 2000. En gros, c'est les jeunes qui sont nés dans les années 2000, qui est hilarante. Et elle a quasi arrêté les vidéos du jour au lendemain pour se lancer dans ce groupe avec son chéri, quoi. Ça s'appelle Vidéo Club. Et ouais, toute l'esthétique, qu'elle soit musicale ou visuelle, t'as l'impression de voir... Les séries un peu kitsch des années 80, d'accord, tu vois, l'esthétique cassette, baladeur, etc. C'est beaucoup de néons, tu vois, d'accord, des trucs comme ça, des couleurs très vives, du rose et tout. Partout, mais c'est pas les néons Carpenter, quoi. C'est, non, voilà, c'est, ah, bah, c'est pas du tout la même chose. Ça fait vraiment le côté un peu kitsch, tu vois. Exactement. Presque, alors là, c'est un petit peu plus tard, mais presque un peu Hélène et les garçons et tout, tu vois, dans le côté un peu décalé. C'est ça. Et je sais pas, je trouve même les textes sont très sympas pour le coup. Après, bon, ça parle beaucoup d'amour, ce genre de choses, mais je sais pas, ça me plaît bien en ce moment. Ouais, c'est plutôt rafraîchissant. Ouais, exactement. Et on le mettra un matin quand on range, comme ça on le découvrira. Et si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais ouais, plutôt pas mal. J'ai un petit peu écouté aussi et ça marche assez bien. Ce qui me plaît bien en ce moment. Et t'as quand même réussi à citer les Carpenters, quoi, quand même. Carpenter Brut. C'est pas ça que tu voyais. Je pensais au cinéma de Carpenter. Carpenter. Okay, parce que moi, Carpenter Brut, du coup. Il y a du néon aussi. Après, Carpenter Brut, c'est aussi esthétique années 80, mais du coup, là, c'est plutôt SF, Robocop, voilà, etc. Ça, quoi. Hélène, peut-être quelque chose sous le coude ou... Juste pour finir, on peut en parler parce que du coup, il va arriver en DVD là, à la médiathèque et surtout, on l'a déjà sur médiathèque numérique, c'est le film Antoinette dans les Cévennes. Ah oui. Du coup, on en a pas mal parlé. Moi, j'ai eu la chance de le voir au cinéma pile pendant la période où c'était encore possible, en novembre. Et c'est vraiment un film rafraîchissant qui fait du bien, ça se passe l'été, il fait beau. Au départ, du coup, ça part plutôt comme une comédie romantique. Et puis, en fait, il y a un tournant. Et du coup, donc, on va suivre Antoinette, l'héroïne, qui, du coup, a une relation avec un homme marié. Et puis, sur un coup de tête, elle va décider de le rejoindre en vacances. ça va pas se passer comme prévu. Et finalement, après, c'est plus son cheminement à elle. Au début, elle paraît, on la trouve un petit peu légère, un petit peu idiote. Et puis finalement, elle va se retrouver les plus profondes que ça. Et donc, c'est tout un cheminement. Donc, elle fait le chemin de Stevenson avec un âne. Donc, c'est assez drôle, un âne qui s'appelle Patrick. Donc, il y a une relation qui va se créer. Et du coup, c'est une bonne découverte. Voilà, c'est un film agréable et léger, mais qui reste en tête parce qu'il y a des petites choses qui sont sympas. J'attends qu'il arrive parce que ça fait partie des films français un peu marquants de l'année passée que j'ai pas encore vu. Pas mal de monde et en général, pour l'instant, c'est que des retours positifs. Et de toute manière, 2020, ça a été une bonne année en cinéma français, je trouve. Il y a eu vraiment des choses qui sont sorties du lot et. Là, j'ai hâte de voir Adieu les cons, mais c'est vrai qu'il y a pour l'instant. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas eu tous les blockbusters américains et tout ça et autres qui ont fait que le cinéma français se retrouve souvent noyé là-dedans. Peut-être un peu plus mis en lumière. Ouais, du coup, sorti aussi, donc il y a un filtre qui s'est fait. Et je sais pas vous, moi, avec le confinement, j'ai mangé pas mal de séries un peu en mode agressif. Et du coup, là, de se poser devant un vrai film, ça, entre guillemets, ça fait du bien aussi. Ouais. On a binge-watché plein de séries à l'overdose et donc là, ça fait du bien. Moi, je veux bien finir par un petit jeu de société et on aura quand même réussi le pari sur une heure avec Samuel et moi de ne pas parler de jeux vidéo. Quand même. D'accord, oui. Bravo. Alors, c'est peut-être parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose de fou, je trouve. Voilà, aussi. Attention, ça va dévier. Je joue un jeu en ce moment, mais je ne pense pas qu'il sortira en physique. C'est Spiritfarer. T'as perdu. Ouais. En fait, on incarne une fillette qui devient passeuse d'âme et du coup on explore toute une carte il y a différentes îles et on va essayer de récolter un peu des âmes égarées qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au grand tout et du coup on discute avec eux, on passe du temps avec eux et on voit toute leur histoire, ils ont chacun des choses très, très différentes. C'est beau, c'est très mignon, c'est émouvant aussi parce qu'à un moment il faut les laisser partir, donc on les amène sur notre barque sur le dernier chemin, on va dire. Et voilà, le petit coup de cœur du moment. Je suis encore dedans, je ne l'ai pas fini. Eh ben, je me pencherai là-dessus. Et c'est très chouette, pour le coup. Et moi, je voulais finir du coup avec un jeu de société que j'ai fait tester à deux d'entre vous, qui s'appelle Punto. C'est un petit jeu de société. Le format est très drôle. C'est une petite boîte qui fait la taille d'une boîte d'AirPod pour ranger ses écouteurs. Le concept, c'est chacun va disposer de cartes qui vont de 1 à 9, qu'on va avoir en double. Et l'idée, ça va être de faire des rangées de 4. C'est des cartes qui sont avec des pions comme les dominos, en fait. Exactement. C'est quasi comme 4. Le mort-pion, le puissance 4. Et il y a un peu de Quirkle aussi, pour ceux qui connaissent, qui est sympa. Avec une mécanique que je trouve intéressante, c'est à partir du moment où vous avez une carte avec une valeur plus haute que quelqu'un, vous pouvez poser dessus. Et donc, ça apporte une nouvelle dimension à cette espèce de puissance 4. C'est hyper efficace. On peut y jouer à 2, 3, 4, 6 ou 8. Et vraiment, le jeu se transforme en fonction du nombre de joueurs. À 2, ça ne se joue pas du tout de la même manière qu'à 4, parce qu'on va jouer avec deux couleurs. À 3, on va chacun jouer avec une couleur, mais on va prendre des cartes de la quatrième couleur qui seront neutres et qui ne nous permettent pas de gagner. C'est seulement pour bloquer les autres. Bref. C'est hyper efficace et là aussi, on recommande chaudement. Il a gagné aussi, c'est surtout ça. Hein. On aime beaucoup les jeux auxquels on gagne. Moi j'aime bien. C'est vrai que là, quand tu l'expliques, c'est pas forcément clair, mais je vous rassure, pour avoir testé, avoir rapidement, on chope la logique. Et l'anneau aussi a gagné. c'est un peu de hasard, mais c'est vrai qu'on est d'accord que le puissance 4 et le morpion, sans avoir un gros niveau, rapidement on est bloqué puisque on a deux joueurs qui anticipent beaucoup les coups. Et tandis que là, en fait, avec cette histoire de colonne de jusqu'à 6, en fait, il faut calculer parce qu'on peut on n'est pas obligé de se mettre vraiment à côté d'une autre pièce, quoi, parce qu'on peut bloquer cette double colonne de 6 là. Ligne et colonne de 6, et du coup, pas mal réfléchir dans l'espace aussi. Ce que tu disais, Hélène, qu'il fallait vraiment une vision d'espace. Ouais, les premières parties, ça demande une petite gymnastique. Il faut un peu s'y mettre. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est à la fois un jeu qui est très accessible, parce que dans son concept, on chope tout de suite le truc, mais assez rapidement, on va pouvoir capter des éléments stratégiques et tout. Je pense à des personnes qui jouent dans mon entourage et qui sont très tactiques, qui ont vraiment des grosses réflexions, et je pense qu'ils pourraient s'éclater aussi. Oui, c'est clair. Non, puis le format aussi, tu vois, on l'emmène dans le train, on se fait une petite partie quand on est à deux dans le train. Ça prend pas de place à la maison. Une boîte solide aussi. Et, c'est, ouais. Et pas très cher aussi. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ça, je pense qu'on est tous et toutes plutôt convaincus par cet échange. Pas trop mal formule, ouais. Oui, ça a été plutôt sympathique. Nous aussi, on a plein d'idées maintenant de lecture. C'est voilà, ça, carrément. On Eh bien, on se retrouve très certainement bientôt pour un nouveau numéro de ce podcast. On aura trouvé un nom d'ici là. Ouais. Bah, c'est clair. On espère que ça vous aura autant plu à vous qu'à nous. Donc normalement, ce podcast sera disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Apple Music, etc. À très bientôt et bonne journée ou bonne soirée à vous. Salut. Salut. Salut.